Patritera nyoso akobikisa kopambola ya okokisa yango tolobi obongi na nkembo okumama yawe yawe kumama okumama papa spécialement pour la Saint-Jola. Les amis du Tchad, la délégation du Tchad, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas où voir où vous êtes. Voilà, ils sont là, exactement ici. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour eux? Alors, pendant qu'on était au Tchad, on était très frappés. Quand on chantait, ils avaient des drôles de danses qui nous sont restées. On dirait que mon frère Pichard, là, on dirait finalement les arias solo. Batu alikolo, babina na mapika. Mais quand on était là-bas, ils dansaient avec les épaules. Ce qui fait que c'est resté chez nous. Donc chaque fois qu'on va place à Boé, on danse avec nos épaules. Alors là, ça a donc on a une responsabilité. Alors là, ça. Ok. Tout le monde, hein. Faire conscience, monte par ici. Les amis, vous tous, venez. Ah, bonjour, Kende, tout communiquer, une onction à Kimi à Congo. La Congo a vu sur ma chrétienne, ma musulmane, tout le monde a vu sur le problème, mais elle a honte. Bon, Kende, ça va peine à bino. On y va. 1, 2, 3. biso peut profiter de la sabaro, biso to bina ndeli. Église face à la département de danse pour que tout le monde s'occupe maintenant.